Vous écoutez Futur Simple, Valérie Levé au micro, et on va revenir sur ces sites, sur ces projets d'allongement, d'élargissement d'autoroutes et même de troisième lien qui fleurissent autour de Québec et ailleurs. On ne va cependant pas faire de politique, on va rester dans le domaine des connaissances scientifiques, car des études se penchent depuis des années sur le bien fondé de ces développements autoroutiers. Alors, que dit la science de toutes ces infrastructures autoroutières? On en parle avec Étienne Grandmont. Il est directeur général d'Accès Transport Viable. Bonjour Monsieur Grandmont. Bonjour. Alors avant de voir un petit peu ce qu'en dit la science, j'aimerais savoir en fait qui sont ces experts ou ces scientifiques ou d'autres personnes qui s'intéressent de façon scientifique au développement de ces infrastructures autoroutières. C'est une bonne question. Il y en a beaucoup évidemment parce que les transports c'est très transversal. En fait, ça a un impact très très large dans notre société. C'est la mobilité des gens, mais donc aussi des travailleurs, des étudiants. C'est beaucoup les échanges économiques qui passent par les transports nécessairement. Mm-hmm. On a des partenaires économiques. On pense aux États-Unis qui sont fortement, on a des dépendances et de l'interdépendance très, très forte avec ce pays-là, entre les provinces également aussi, entre les villes aussi. Donc, la mobilité est vraiment au cœur de notre quotidien comme citoyen des villes, mais aussi au cœur de l'économie elle-même. Donc, c'est clair que fondamentalement, les transports intéressent beaucoup de gens. Donc, il y a des gens autant en sciences économiques, en urbanisme, en aménagement du territoire. C'est très, très, très, très large. Mm-hmm. Donc, beaucoup de champs d'études qui sont attachés à la mobilité. Mm-hmm. On les retrouve dans les universitaires, on les retrouve dans les services des ministères et organismes du gouvernement. Exact. Il y a évidemment le milieu universitaire qui étudie fortement ce milieu-là pour les raisons que j'ai nommées tout à l'heure. Il y a des études aussi qui sont menées directement par le ministère des Transports du Québec en partenariat avec les villes et les sociétés de transport, par exemple le RTC, la STL. Donc, on a des études, par exemple, qui sont menées à tous les 5 ans, qu'on appelle les enquêtes origine-destination, qui permettent de dresser un portrait de la mobilité des citoyens dans des grandes régions métropolitaines de recensement. Donc, dans la région métropolitaine de Québec, on a cette étude-là qui a été menée en 2001, 2006, 2011. Et là, on va l'avoir pour 2017. Ouais. Il y a eu un petit écart d'une année, là, mais on va avoir au printemps prochain, normalement, les résultats de cette enquête-là, qui sont des vastes enquêtes menées par téléphone, avec un échantillon là, statistiquement très intéressant. Et nouveauté cette année, on avait aussi des sondages qui étaient effectués directement sur le terrain. Donc, on arrêtait les gens à vélo, à pied ou en automobile ou en transport en commun. Et on leur demandait, on leur posait des questions sur leur déplacement. Et la question téléphonique qui est posée aux gens généralement, c'est que faisiez-vous ou nommez-moi, en fait, faites-moi le descriptif de l'ensemble des déplacements que vous avez effectués telle journée. Donc, on prend tout le monde une journée de référence de semaine, puis ça nous donne des résultats une photo instantanée de ce qui s'est passé cette journée-là. Et donc, avec ces résultats-là, on est capable de savoir quel mode de transport les gens ont utilisé, à quelle heure ils l'ont fait, et quels étaient les motifs aussi de déplacement. Et donc, à partir de ces données-là, les décideurs mettent en place une offre variée, en fait, d'offres de transport collectif, actif ou routier, en fonction de leur famille politique, de leur idéologie ou, en fait, en fonction des besoins aussi, évidemment. Okay. Et ces études-là montrent aussi, probablement, quels sont les axes les plus empruntés, ceux qui le sont un petit peu moins. Donc, on voit origine, destination, ça le dit bien. Exactement. D'où partent les gens, en général. Ça nous permet de savoir quels sont les lieux d'origine des gens et quels sont les principaux lieux de destination. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à Québec, les lieux de destination sont assez limité, c'est-à-dire qu'on a 3 pôles principaux à Québec qui sont le centre-ville de Québec, la colline parlementaire et Saint-Roch. On a en deuxième lieu le secteur Laurier, l'Université Laval et Cégep, donc le secteur plus à la tête des ponts du côté de Sainte-Foy. Le troisième pôle en importance, c'est le secteur Le Bourgneuf, qui est un pôle un peu spécial parce que c'est le troisième en importance, mais il est fortement automobilisé, si je peux m'exprimer ici, alors que les deux principaux ont une part modale de transport en commun assez et de transport actif aussi assez important. Donc, il y a ces études-là qui font ça. On peut avoir aussi des données à travers le recensement qui est effectué une fois tous les, 5 ans, le recensement. En tout cas, on a des données sur la mobilité des gens. Puis aussi, il y a différents acteurs. Par exemple, TomTom, le fabricant de GPS. Effectue des enquêtes. Il n'est pas seul à le faire. Là. Mais Google, par exemple, avec ses outils aussi de Google Maps, effectue des recensements, en fait, pour évaluer l'état de congestion par par exemple, dans les villes, mm-hmm. et puis faire des classements, identifier les axes qui sont les plus problématiques. Bon, c'est le genre d'information, mais il y a énormément de données en transport. Là. Puis ça va croissant aussi parce que avec l'arrivée de joueurs comme Uber, qui sont des modes où le modèle d'affaires est fortement ancré dans la technologie, bon, on a énormément de données qui est générée par ça, puis toutes sortes d'autres petites start-up. Je pense par exemple à Communauto aussi, beaucoup d'informations évidemment, c'est pas une start-up, mais évidemment qu'il y a beaucoup de données de ce côté-là aussi. Du côté de Netlift aussi. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Puis après ça, c'est d'essayer de voir quelles sont les meilleures décisions à prendre en fonction de l'ensemble de ces données-là. Ben, tout ça, ça donne beaucoup de données, mais après, j'imagine que les universitaires les analysent, peut-être d'autres experts aussi les analysent et sont peut-être capables aussi de voir comment... Qu'est-ce que les expériences de par le monde ont donné quand on agrandit des autoroutes, quand on élargit des autoroutes, et qu'est-ce que toutes ces données nous disent dans ces situations-là? Exact. Ils ont dû faire des études là-dessus. Oui, exact. C'est sur des enquêtes origine-destination ou des études similaires à ça. Ils s'en effectuent un peu partout dans le monde occidental. Donc, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui a été essayé comme politique publique, comme réseau à développer pour faciliter la mobilité des gens et quels sont les résultats de ces moyens qu'on a mis en place. Et ce qu'on remarque, c'est qu'évidemment, la mobilité des gens, d'un, est toujours hyper importante et des marchandises est hyper importante pour tout le monde. Mais d'autre part, c'est qu'on obtient des résultats complètement différents en fonction des investissements qu'on décide de faire. Donc, par exemple, on prend des villes comme Copenhague. Je vais en prendre deux exemples qui sont un peu à l'opposé, mais Copenhague a décidé d'investir, au tournant des années 70, fortement à cause de la crise du pétrole, en fait, qu'ils vivaient de façon très importante, ont décidé d'investir sur le réseau cyclable. Et aujourd'hui, à Copenhague, 50 ans plus tard, on a un réseau cyclable qui est très, très développé et où 50% des déplacements effectués chaque jour dans la ville de Copenhague est effectué à vélo. Donc, c'est quand même assez important. Ici, à Québec, on est à 2%, un et demi à 2% de déplacements faits en vélo, même l'été. Là. Donc, c'est quand même assez important. Puis, un autre exemple intéressant, New York. New York a un départ modal de transport collectif, donc quotidienne, de 50% pour le transport en commun. Donc, on est vraiment dans un autre schéma de pensée. On a pris d'autres orientations. On a trouvé une réponse qui était adaptée au territoire et aux habitudes du territoire new-yorkais. Et on a des résultats qui sont intéressants. Ici, à Québec, la part modale de l'automobile est au-delà de 75%. Donc, tous les jours, plus des trois quarts des déplacements sont effectués en automobile sur le territoire de la ville de Québec. Et quand on regarde, donc ça, c'est pour quand on a des investissements pour les transports actifs ou les transports en commun, quand il y a des investissements dans les infrastructures routières, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ça donne plus de voitures. Donc, c'est pas plus compliqué. En termes de congestion, est-ce que ça résout la congestion? Nous disent les expériences de par le monde? À court terme, oui, ça résout la congestion parce que subitement, à l'ouverture d'une autoroute ou à l'élargissement d'une autoroute, on a une facilité, le tuyau est plus gros, donc on passe plus de voitures à l'heure. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il y a une loi économique qui dit que plus on crée des conditions favorables, plus on crée d'offres, plus la demande va suivre. Donc, si on ouvre un territoire ou si on rend plus facilement accessible un territoire qui est tout le temps situé de plus en plus loin, donc forcément dépendant de l'automobile, les gens sont intéressés à aller s'y installer tout aussi longtemps que la circulation sur cet axe-là sera facile et fluide. Et à un certain moment, on obtient des conditions où il y a tellement eu de développement résidentiel en amont du nouveau lien qu'on voudrait créer, par exemple, et on se retrouve avec de la congestion, des voitures supplémentaires sur ce lien-là et donc des conditions de congestion qui sont équivalentes à ce qui prévalait avant, si c'est dans le cas d'un élargissement ou c'est ça. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé avec... Il y a plein d'exemples, je vous ai documenté un peu partout sur la planète. C'est démontré par la théorie, mais par la pratique aussi. Il y a une autoroute au Texas, la Katy Freeway, par exemple, qui a été élargie jusqu'à 26 voies de large, donc deux fois 13 voies de circulation. Et les conditions de circulation, la congestion, en fait, on l'a retrouvée Moins de 5 ans après l'ouverture. Ah oui. Donc, moins de 5 ans après l'ouverture de la Katy Freeway, la réouverture, en fait, ouais. Après les travaux, on avait une congestion qui était plus grande que ce qu'on avait avant. Mm-hmm. Donc, c'est quand même, c'est ça, c'est assez fascinant. Mais c'est ça. Et donc, dans les villes où on réussit vraiment à avoir un impact réel sur la mobilité des gens, c'est là où on va investir sur l'augmentation de la capacité d'une voie de circulation. C'est-à-dire mm-hmm. qu'on va être capable de mettre en place des véhicules qui sont plus capacitaires. Et c'est pour ça que, bon, par exemple, à Québec, on opte pour le réseau structurant de transport en commun avec un trambus et un tramway, où on sera capable de faire passer plus de gens à l'heure sur une voie de 3 mètres de large. Mais vous avez dit réseau structurant, puis j'aimerais qu'on revienne sur ce terme, parce qu'on l'a beaucoup entendu, réseau de transport structurant, mais finalement, ça veut dire quoi, structurant? En quoi est-il structurant? Un réseau est structurant, en fait, un réseau devient structurant le jour où, d'abord, il n'est pas structurant lui-même. Il faut vraiment créer des conditions pour qu'il le soit. Une des conditions, c'est évidemment qu'on ait un réseau qui soit assez capacitaire. Bon, à Québec, le 800, le 801, les métrobus jouent un peu ce rôle-là. C'est des véhicules quand même assez capacitaires. Ils sont relativement rapides. Leur vitesse commerciale est quand même relativement bonne sur l'axe sur lequel ils circulent parce qu'on a des voies réservées. Il y a possibilité de jouer aussi avec le séquençage des feux de circulation grâce au gestionnaire artériel. Et donc, ce que le réseau tramway va faire, c'est utiliser un peu ce principe-là, être sur sa propre voie. Ça va être des véhicules qui vont être encore plus capacitaires et on aura la priorité au feu de circulation. Donc ça va augmenter son caractère, mm-hmm. disons, attractif pour ses usagers, ses utilisateurs. Mais en plus, il devient structurant quand on commence à articuler le territoire, l'urbanisme autour de ce réseau-là. À développer le territoire. Exactement. Donc, c'est là que ça devient structurant, c'est-à-dire qu'on va s'assurer, par exemple, de concentrer le développement résidentiel et commercial le long de ces axes-là grâce à un zonage particulier, à des bonus qu'on va donner aux promoteurs pour construire en hauteur, par exemple, ce genre de choses-là, pour avoir une certaine densité. Puis aussi, il faut s'assurer qu'il est structurant dans la mesure où tous les autres modes de transport collectifs ou actifs vont se raccorder sur cette nouvelle colonne vertébrale-là. Ouais. Donc, c'est important d'avoir une bonne connexion avec l'aéroport, avec le port, avec le réseau cyclable. Donc, d'avoir aussi au pôle d'échange, qui soit de portée régionale ou encore locale, de la place pour des communautaux, de la place pour stationner son vélo, de la place pour des débarcadères, pour laisser un covoitureur qui va embarquer sur le réseau, raccorder aussi les autres sociétés de transport qui sont plus en périphérie, là, vers ce réseau-là. Mm-hmm. Donc, c'est là qu'on devient vraiment, qu'on a un réseau structurant. Mm-hmm. Donc, le réseau structurant de la Ville de Québec qui est proposé, à mon sens, à moi, l'est vraiment si on y ajoute tout ce qui est prévu dans le plan stratégique 2019-2027 du RTC. Donc, tout ce qui entoure le réseau structurant de la Ville de Québec est aussi important que les véhicules, le tramway, le trambus lui-même. D'accord. Et donc, pour en revenir au développement d'autoroutes, certains prétendent aussi que les autoroutes sont nécessaires pour le développement économique. Donc, ça, qu'en disent les économistes? Il doit y avoir des économistes qui se penchent sur cette question-là. Oui. Bien, il y a des choses intéressantes. Dans le fond, tout projet majeur d'infrastructure génère une activité économique. Ça, c'est sûr. Que ce soit une autoroute... on a juste à y penser. Je veux dire, à Montréal, un des codes cibles, c'est le 10-30. Ce projet-là n'existerait pas s'il n'y avait pas la 10 et la 30 qui se croisent et qui permettaient de le connecter rapidement à un territoire régional assez grand. À Québec, on a ça aussi, les Power Center, le nouveau IKEA. Une autoroute génère du développement économique. Et quand c'est pas du commercial, ça peut être de l'industriel, ça peut être du résidentiel aussi. Les villes se sont beaucoup construites se sont beaucoup développés autour du réseau autoroutier. Donc, il y a du développement économique qui s'est fait. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que le réseau structurant ou le transport collectif peut générer aussi ce genre de développement-là. Par contre, il sera peut-être mieux localisé. Et c'est important de souligner le mieux localisé parce que quand on regarde, en fait, ce qu'il en coûte de développer de manière, disons, peu dense, un peu style Le Bourgneuf, pour prendre un exemple, à des densités de genre 8 ou 10 logements à l'hectare, voire moins, comparativement à d'autres secteurs qui seraient un peu plus denses. Je pense entre autres à une étude qui avait été faite par le Conseil régional de l'environnement de la Capitale-Nationale en 2011, qui avait comparé le secteur Le Bourgneuf et le secteur l'écoquartier Vauban en Allemagne, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Une densité qui s'approche davantage des 60 logements à l'hectare, si ma mémoire est bonne. Et en fait, quand on compare le style Le Bourgneuf et le style Vauban, en fait, on se rend compte que pour une même quantité d'habitation, il en coûte 7 fois plus cher en infrastructure de construire peu dense. Mm-hmm. Donc, en route, en aqueduc, en égout, en électricité, en asphalte, en piste cyclable, en trottoir, il en coûte 7 fois plus cher à la municipalité pour développer. On peut l'imaginer, il y a moins de densité. Donc, évidemment. Ouais. Et ça tient même pas compte, en fait, des services qui devront être donnés par la suite. On peut imaginer que, par exemple, pour assurer le service de poste, pour déneiger, pour la collecte des ordures, déchets, ouais. Exactement. Tout ça, sur des kilomètres de route, sur davantage de kilomètres de route, évidemment, ça coûte plus cher à opérer. Oui, donc ça, c'est des choses que les économistes regardent et peuvent chiffrer. Exact. C'est fort intéressant. Je pense qu'on aurait encore à dire, mais... Il y aurait sans doute peut-être d'autres choses à dire. Éventuellement, on vous réinvitera. Oui, avec plaisir. Je vous remercie beaucoup, donc, M. Grandmont, que je rappelle, qui est le directeur général d'Accès Transport Viable. Merci beaucoup d'être venu à notre studio. Merci de m'avoir invité.